Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Marin, une série documentaire d'Arnaud Contreras, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste à l'Oedipe maritime, un penchant pour le bord de mer et quelques clichés qu'on voudrait dépoussiérer. Il y a l'appel du large, romantique, le quotidien des lycées maritimes, les femmes face à la pêche qui disparaît et des entreprises familiales. Mais il y a aussi la mer qui devient mauvaise, des opérations de sauvetage héroïques et la drogue qui sert parfois à calmer la peur. Alors pour commencer, les personnages. Un médecin addictologue, une auteure pêcheuse qui a des yeux, un médecin du Guilvinec, la pêche par vocation, des médecins qui décomptent, un médecin des marins, un marin qui a décroché, des praticiens vigilants et une auteure et son addiction à la mer. Ensuite, le décor. De la drogue, du cannabis, de l'alcool, de l'héroïne, un contre-modèle paternel, l'Alaska, des hépatites, de la toxicomanie, des produits de substitution, du Subutex, des rumeurs, des tabous, le silence, de l'excitation, la redescente et la peur, la médecine du travail, des tests de dépistage, des accidents, des pertes de vigilance et le manque. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive au centre. Vous voulez que je vous présente le centre un petit peu ? Oui, au secrétariat. Donc, il y a le secrétariat, là. Les gens sont reçus ici, les deux secrétaires, Isabelle et Mireille, qui sont super. Des drogues dans le milieu maritime, Arnaud Contreras, Guillaume Baldi. Un bureau de médecin, et là, il y a le bureau de distribution de méthadone. C'est le bureau de distribution du traitement méthadone, de substitution à l'héroïne. Et puis là, c'est une salle d'activité, puisqu'on fait des groupes d'écriture, des groupes de senteurs, des ateliers thérapeutiques. Donc c'est ici que ça se passe, puisqu'on est à un XAPA. On a aussi un centre de réduction des risques pour les usagers de drogue, pour les gens qui sont encore actifs. Et puis on a aussi des appartements thérapeutiques. Bon ben, venez, alors on va à mon bureau. C'est par là. Pendant quelques semaines, nous avons embarqué pour une traversée particulière. À l'écoute de celles et ceux qui accompagnent les consommateurs de stupéfiants dans le milieu maritime. Un milieu où la parole est rare, où la peur d'être stigmatisé force au silence. Ce dernier peut parfois faire croire à l'existence d'un tabou, là où il n'y a que pudeur des marins, à propos d'un mal qui touche toute la société. Par leur connaissance de la mer et des marins, patiemment, et parfois de manière empirique, des médecins ont créé un environnement favorable aux soins des consommateurs ou ex-consommateurs d'héroïne, de cocaïne et d'autres produits. Les terriens, moqueurs, disent souvent que les marins font des phrases, des criers, aux salles d'attente. Nos micros captent surtout des mots, des silences et les liens précieux que tissent les médecins avec leurs patients marins. Voilà, donc je suis le docteur Latimier, je suis médecin addictologue, je suis médecin coordinateur des XAPA du Morbihan, à Douarnenez. Alors, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. En fait, c'est un dispositif national où il y a des soins anonymes et gratuits. C'est développé sur tout le territoire. Partout, vous pouvez trouver en France un centre pour prendre en charge l'addiction. Alors, je reçois des patients qui ont des difficultés addictives. C'est des patients qui peuvent être seulement au début d'une consommation, des patients qui peuvent être adressés par la justice ou des patients qui sont addicts. Alors ici, on s'occupe de toutes les addictions, c'est-à-dire les addictions avec produits et sans produits, jeux d'argent et de hasard, addiction aussi aux jeux vidéo, enfin voilà. Est-ce que vous avez constaté une évolution de l'addiction aux produits stupéfiants dans le milieu maritime ? Alors, on note évidemment quelque chose qui s'est modifié, c'est les produits. Hein, les produits qui étaient utilisés, les substances psychoactives qui étaient utilisées auparavant, c'était l'alcool dans les générations deuxième millénaire, 20e siècle. Et on a nettement vu l'apparition dans les années, à partir des années 92, le cannabis qui a commencé à prendre la place, on peut dire, un peu de l'alcool, alors, dans les substances psychoactives utilisées. Mais c'est vrai que, du coup, à ce moment-là, on a vu les marins-pêcheurs, surtout ceux qui viennent qui pêchent à la journée, venir en consultation le soir, pour nous poser des questions, pour faire le point sur cette substance. C'est d'abord celle-ci qui nous est apparue, nous, en tant que centre de soins. C'est moins tabou, hein, le cannabis, moins anxiogène que héroïne, cocaïne, et donc ça a été la première chose qu'on a vue. Alors ensuite, on a vu donc les patients qui sont arrivés pour demande de substitution, c'est-à-dire des consommateurs d'héroïne. Il semblerait que l'héroïne ait été utilisée avant la cocaïne, et puis maintenant on voit de l'héroïne utilisée en descente de la cocaïne. Ça, c'est sur le plan un peu temporalité, quoi. Et puis avec notre vision, c'est-à-dire que c'est pas une étude, c'est ce qu'on voit ici au XAPA. On a vu d'abord le cannabis, puis l'héroïne, puis après des demandes autour de la cocaïne et des excitants. L'alcool était utilisé pour des ivresses à terre et parfois l'héroïne en descente. Enfin voilà, c'était le début. C'était comme ça qu'on a pris en charge. Les substances psychoactives chez les marins. C'est comme ça qu'on les a vues apparaître. Et comment est-ce que ces substances sont arrivées dans le milieu maritime ? Alors, je pense que c'est la porosité hein, des différentes de la société, tout simplement. Je pense que aussi, c'est toujours compliqué d'avoir la même substance psychoactive que son père. Hein, je pense que vraiment, quand on se construit contre son père. Et c'est vrai que dans le milieu maritime, on rentre très tôt dans la profession. C'est-à-dire, on a 18 ans, on est déjà au boulot. Et donc, comment faire la fête? On a parfois vu des pères avec des difficultés d'alcool. Donc, on va pas utiliser le même produit psychoactif au départ pour faire la fête, pour décompresser. On va utiliser quelque chose qui nous construit de manière identitaire. Donc, évidemment, les nouveaux produits, donc vers les années 90, le cannabis, puis l'héroïne aussi, qui a donc pris cette place de manière assez insidieuse. Sur les quais, on nous parle peu de la consommation de stupéfiants. Les blagues fusent sur un tel qui a trop bu et est revenu avec une gueule de vent debout. Mais on n'entend jamais parler d'héro ou de coke. Même les amis marins tournent en dérision les conversations sur le sujet. On ne veut pas que le nom du port soit associé au nom d'un produit stupéfiant consommé par une minorité. Seuls quelques auteurs, musiciens, écrivains osent aujourd'hui évoquer la drogue dans le milieu maritime. Comme s'il fallait en passer par la création pour parler du réel. Catherine Poulain, dans votre livre Le Grand Marin, vous évoquez la drogue régulièrement et de manière assez pudique. Est-ce que c'était quelque chose d'assez présent dans le quotidien embarqué ? Pas sur nos bateaux. Sur les bateaux en Alaska, la loi est très très stricte. Et d'ailleurs, sur chaque bateau, il y a cet autocollant. No alcohol, drug or firearm allowed on this vessel. Pas d'alcool, de drogue ou d'armes à feu autorisées sur ce bateau. Alors il arrive sur certains bateaux qu'ils boivent, mais j'ai vu ça très rarement en Alaska. Quant à la drogue, j'en ai pas vu sur les bateaux. Et je sais qu'ils s'en prenaient beaucoup au port. Certains amis des pêcheurs de crabes me parlaient de la mer de Bering et la pêche au crabe. Et la mer de Bering, la mer de Bering, on appelle ça on va en rehab, en rehabilitation, en cure de désintoxication. Et les gars me disaient ça avec un grand sourire, ça leur déplaisait pas du tout, au contraire. Juste un peu dur au début, mais comme ce sera meilleur après. À terre, il y en a beaucoup. Alors, en Alaska, peut-être que ça date de la pêche au crabe, les années 70-80. Il y a eu une ruée pour la pêche au crabe royal, le crabe rouge. Et on appelait ça la ruée vers l'or rouge. Parce que les bateaux pêchaient de manière intensive. Et les gars gagnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais beaucoup en mouraient aussi, parce que c'était extrêmement dangereux. Et donc pour tenir, il fallait vraiment qu'ils prennent de la cocaïne. Et parfois même, c'est le patron qui leur prépare les lignes et qui les renvoyait sur le pont. Mais parfois, autrement, il leur mettait le flingue sur les tempes pour qu'ils y retournent. Donc c'était plus facile de leur donner une ligne de cocaïne. Donc je pense que ça doit faire partie du passé de Kodiak. Mais je sais qu'en Alaska, les gars que je connaissais, la grosse majorité n'avaient pas de famille. Leur vie, c'était le bateau. Il y a peut-être peu de femmes en Alaska, oui, certainement. Donc, il y avait une grande, grande, grande solitude. Rentrer à terre, la vie, c'était au bar. Le bar, c'est la famille. Dans le travail et dans cette... c'est bien fait, justement, de l'épuisement. Donc... c'est quand même une histoire d'adrénaline aussi. Donc les endomorphines qui vous donnent un tel bonheur, un tel plaisir, une telle jouissance dans l'épuisement. Mais je pense qu'on habitue son corps à aller dans des tels extrêmes qu'après on s'ennuie. On s'ennuie, donc les gens à terre recherchent d'autres moyens d'aller au bout des choses, au bout d'eux-mêmes. Je m'appelle Bernard Le Floch, je suis médecin généraliste et je suis donc installé au Guilvinec, donc petite ville de pêche dans le sud Finistère. Je suis installé depuis 1988. Comment se sont déroulées les premières prises en charge des marins qui souffraient d'addiction à l'héroïne ou à la cocaïne ? J'ai connu ça bien parce que effectivement, quand je me suis installé en 88, on n'avait rien et le toxicomane était à l'époque le pestiféré. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui était malvenu dans la société. Sont arrivés les hépatites, notamment hépatite C, le SIDA, et puis petit à petit, pour des raisons de santé publique, les pouvoirs publics se sont rendus compte qu'il fallait quand même faire quelque chose, quoi. Hein, donc c'est là où au début on n'avait que des produits, des morphiniques que l'on prescrivait dans les douleurs. Et, le morphinique permettait, les morphines, les produits dérivés de la morphine permettaient de soigner ces addictions-là, mais c'est évidemment pas les produits idéaux ni idéaux. Donc on a vu apparaître effectivement le fameux Subutex, quoi, la buprénorphine. Et là, on a pu commencer à... Là, c'est là où on a vu venir les gens qui avaient envie d'arrêter et qui avaient envie de faire autre chose, parce que malgré tout, la toxicomanie, ça reste quand même un gros piège. Et c'est là qu'on les a vus venir nous voir pour essayer d'arrêter par le biais de la buprénorphine. Certains sont passés aussi à la méthadone, mais... vous comprenez bien que pour avoir la méthadone, les conditions légales, même à l'heure actuelle, sont très compliquées. Il faut que ce soit un centre d'addictologie qui prescrive la méthadone. Et ce centre d'addictologie, là, sur le Guilvinec, se trouve à Quimper. Et il faut donc, et puis évidemment, ne travaille pas ni le samedi ni le dimanche. Donc le marin pêcheur qui débarque sa pêche, qui arrive le vendredi dans l'après-midi, qui débarque sa pêche, ne peut pas matériellement aller dans un centre d'addictologie. Sans compter que là maintenant ça a changé depuis quelques mois, mais auparavant on ne pouvait pas prescrire de la méthadone plus de 7 jours. Donc le marin pêcheur partant 15 jours, au bout de 7 jours, il s'est retrouvé coincé, on était obligé de tricher quand on avait des gens qui étaient sous méthadone. C'est-à-dire, comment est-ce que vous prescrivez? Ah ben, on prescrit deux fois la dose, ou bien on s'arrange avec le pharmacien pour que le pharmacien délivre 14 jours, alors qu'il n'en a pas droit, quoi. Enfin, on est dans une illégalité, enfin, sur un plan moral, il n'y a pas de souci, c'est correct. Mais on se retrouve des fois, non, obligé de forcer un petit peu les doses, parce que ben, c'est quelqu'un qui est sous méthadone parce qu'il ne peut plus, pour diverses raisons, être sous buprénorphine, ben, il faut quand même qu'il soit soigné, quoi. Et si les marins pêcheurs, ben, il faut qu'ils puissent aller travailler, parce que c'est la seule façon pour lui de se sevrer. Dans le regard du docteur Le Floch, comme dans ceux de tous les médecins généralistes que nous rencontrons dans des ports de Bretagne, nous sentons le sens de la mission, de l'accompagnement au long cours. Lors de leur carrière, ils accompagnent principalement des familles de marins. À chaque génération, ses douleurs, ses maux. Les généralistes ont appris la dictologie avec certains de leurs patients. Le docteur Le Floch nous présente l'un d'entre eux. Nous hésitons à enregistrer. Discutons avec le docteur, qui est convaincu que notre micro peut, lui aussi, devenir thérapeute. Anthony, quand est-ce que vous avez commencé à être marin pêcheur? J'ai commencé en 97. Donc, j'ai toujours voulu faire ça depuis tout gamin, quoi. Donc, j'ai pris cette voie-là tout de suite, quoi. À 14 ans, j'ai commencé à l'école de pêche et à 17 ans, j'étais en mer. Depuis tout gamin, j'ai toujours voulu faire ça. Voilà. Je me suis pas posé la question. C'est ce que je voulais faire depuis mes 3, 4 ans. Donc voilà. Je suis allé vers Malo, quoi. Vers ce métier, tout simplement. Si vous deviez nous raconter votre parcours de pêche, c'est quoi? C'est, vous avez toujours été en pêche hauturière? Vous avez été... Non, je suis passé par la côtière, semi-côtière, donc de 4 à 8 jours, et le large aussi, la quinzaine, quoi. Principalement au chalut, quoi. Surtout sur le quartier Bigouzin, au chalut, quoi. À quel moment est-ce que la consommation de stupéfiants est rentrée dans votre vie? Assez jeune. Bon, j'ai commencé à fumer cannabis vers mes 14 ans, quoi. Et après, moi, je suis allé crescendo vers les drogues dures, quoi. Vous avez découvert les drogues dures dans le milieu de la pêche ou en dehors du milieu de la pêche? En dehors, principalement. Et voilà, après... Il y a beaucoup de gens que je connaissais qui étaient de ce milieu-là et que bon bah qui a consommé aussi, donc on se retrouvait, on va dire, voilà, consommer ensemble souvent. Après ça a continué avec, oui, des gens que j'ai connus à la pêche. Est-ce que vous avez consommé à bord aussi des stupéfiants? Ouais. Ah oui, c'est arrivé. Hein. Pas sur tous les bateaux. Il y a eu une époque où c'était où les patrons faisaient moins d'attention que maintenant. Et voilà, c'était. Ça arrivait assez souvent qu'on consomme. Ouais, principalement au cannabis. Ouais. Après, il y a eu un peu d'héroïne aussi. Ouais. Oh. Enfin, pour ma part et pour les gens avec qui j'étais en mer, c'était principalement ces produits-là. Est-ce que vous êtes retrouvé face à des patrons qui vous proposaient aussi des produits stupéfiants? Proposer, non, mais qui consommaient aussi, oui. Ouais. Bon, pas beaucoup, mais c'est arrivé. Mais bon, c'est vrai que maintenant, ça se voit de moins en moins. Les patrons veillent pour la drogue, l'alcool. Comment est-ce que les produits arrivent sur le port, en fait? C'est ça qui nous intrigue, parce que si les produits, ils arrivent par quel biais, en fait, sur le port? Je pourrais dire, traverse la route et puis on n'est pas loin, quoi. Il y a des dealers partout. Voilà, après, pour moi qui suis resté pas mal de temps là-dedans, oui, là, on a contact facilement. Voilà, après, tous les marins qui prennent les produits se connaissent aussi et arrivent à avoir des produits facilement. Comme il existe des légendes urbaines, il existe aussi des légendes portuaires. Depuis quelques années, et lors de nos enregistrements, on entend des histoires de navires peuplés de marins drogués, de fortunes de mer dues à des overdoses. Ces légendes sont entretenues, amplifiées, par le fait que certains armateurs et assureurs maritimes ne souhaitent pas s'exprimer sur ces causes supposées d'accidents. Les médecins des gens de mer, services de l'État, accompagnent notamment les marins consommateurs ou ex-consommateurs de stupéfiants et jugent, lors d'examen, de leur capacité à embarquer ou pas. Bonjour, Thierry Sauvage, je suis médecin. Je suis le chef du service de santé des gens de mer, qui est le service de médecine de prévention qui est dédié aux marins professionnels civils. Il existe un texte réglementaire de 1936 qui demande à ce que les marins passent régulièrement des visites médicales pour s'assurer de leur bon état de santé avant d'embarquer. Et le service est constitué entre 1940 et 1950 pour aboutir à la création du service de santé des gens de mer. Sur l'évaluation des consommations des substances psychoactives au sens large, tabac, alcool, cannabis et cocaïne, nous avons pu mener deux études avec l'aide d'un laboratoire de médecine du travail qui s'appelle UMREST et qui se trouve à l'Université de Lyon. Et effectivement, ces deux études ont montré que on avait affaire à une population qui consommait plus de substances psychoactives que la population française en général. La première étude date de 2007, a porté sur 2000 personnes en métropole et aux Antilles. La deuxième étude est de 2013 et a porté sur une population de 1000 personnes de pêcheurs sur la côte atlantique. Alors, pour faire rapide, dans la première étude, celle de 2007, on a retrouvé que 11% des marins avaient une consommation d'alcool à risque, donc c'est à comparer avec 10% de la population française. On avait 40% des marins qui déclaraient avoir une ivresse au cours de l'année passée. Et en fait, c'est à comparer avec les 10% de la population française générale qui ont une consommation d'alcool excessive. Concernant le cannabis, on avait 4%, alors 16% avaient consommé du cannabis récemment et c'était comparé par 14% des tests biologiques qui étaient positifs au moment de l'examen. 4% des hommes et 3% des femmes avaient consommé du cannabis plusieurs fois au cours de l'année passée. Et puis en 2013, sur nos 1000 marins pêcheurs, là on avait une population, alors en particulier dans la population des moins de 35 ans, qui était sur des navires de type fileyeur, donc des navires qui emploient des filets pour pêcher le poisson, qui ont la particularité de rester 4 à 5 jours à la mer, on avait presque 30% des gens qui étaient consommateurs de cannabis. Donc dans cette population très particulière. Donc on est dans des consommations qui sont supérieures à ce qu'on peut retrouver dans la population générale française. Quand on est marin-pêcheur, on est fier de son métier. C'est un métier d'aventure, c'est un métier, c'est un beau métier. On va nourrir la planète, rapporter des bons produits, on va braver le froid, les intempéries, avoir des horaires décalés. Enfin, c'est un métier extraordinaire, un métier de courage. Donc c'est compliqué parce que cette problématique n'atteint qu'une petite partie, toute petite partie, de 5% peut-être, même pas 2%. Enfin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas les métiers les plus atteints, les marins pêcheurs, hein, c'est les métiers du bâtiment qui sont les plus atteints dans les comportements addictifs. Alors ils se demandent pourquoi ils sont tout le temps stigmatisés. On n'a pas fait de grands reportages sur l'addiction et les chauffeurs routiers. Pourtant, il est certain qu'il y a aussi des difficultés dans la santé aussi, le journalisme, hein, vous voyez. Donc c'est la stigmatisation qui fait que ça entraîne quand même une blessure, comme c'est une blessure d'image. C'est-à-dire rapporter ce métier à seulement ça, c'est quand même un peu fort de café. C'est difficile quand même pour les marins-pêcheurs d'être ramenés à cette minorité de pêcheurs qui souffrent. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est tabou. Et puis l'histoire de la langue, c'est-à-dire que le marin-pêcheur, il y a du bruit sur le bateau, il y a de la tempête, il y a de la promiscuité, donc on est habitué à se taire. Et donc, on se tait, on se débrouille. Hein, on se débrouille. Il n'y a pas de psychologue de mer, enfin, je crois pas. Alors, je pense que du coup, l'histoire du tabou, c'est ça. On est privé de langue. Alors, en plus, nous, les Bretons, on a été privés de langue au XXe siècle. Hein, c'est-à-dire que on a parlé... nos grands-parents n'ont pas eu le droit de parler à nos parents, je parle de ma génération, en breton. Hein, donc, cette génération n'a pas pu transmettre ses affects dans sa langue maternelle. C'est pas pareil de dire « ma big bion » et « ma petite chérie ». On perd de l'affect. Donc, on a perdu une langue. Donc, les marins-pêcheurs ont aussi vécu cette histoire de la Bretagne. Donc, cette idée de perdre sa langue, de plus avoir les mots, ça entraîne aussi du tabou. Parce que le tabou, c'est ce dont on ne veut pas parler ou qu'on ne peut pas parler. Et je pense que cette de parler des difficultés du métier, c'est pas si simple. Je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est tabou, enfin, une des multiples raisons. Salut, c'est pris aujourd'hui, là. Ouais. Du grand ouais. Il y a plutôt 20 euros d'araignée, il y a un gars Alors, d'une manière générale, les marins ne sont pas des grands bavards. Hein. C'est pas des commerciaux. C'est pas des grands bavards. Donc, savoir ce qui se passe sur un bateau, c'est un petit peu secret. Déjà, drogue ou pas drogue, enfin, ils ont leur lieu de pêche, ils les donnent pas. Ils ont leur façon de faire. Ils n'en parlent pas trop. Et puis, bon, ils ont leur petite vie secrète. Ce qui se passe sur un bateau, c'est pas forcément très évident de le savoir exactement. Et puis le milieu de la toxicomanie est secret aussi, parce que bah, c'est quand même un délire. On est quand même dans du secret, parce que bah, les dealers n'ont pas envie de se faire avoir, les machins. Donc les marins, enfin ceux qui achètent ne veulent pas non plus savoir qu'ils achètent. Donc on est quand même dans un milieu doublement secret. Donc je pense pas que ce soit que de la honte. Hein, c'est uniquement parce que bah, on a la confrontation entre deux milieux secrets. Celui de la drogue et celui des marins-pêcheurs. Qui fait résonance sur l'addiction, juste, ça c'est une petite anecdote, c'est-à-dire que je reviens à mon banc de dorade royale, c'est-à-dire le fait de pouvoir gagner comme ça en une pêche 10 000 euros, ça m'a fait penser au jackpot. Ça m'a fait penser aux joueurs, parce que si je suis des joueurs de casino, et le joueur de casino, il va plonger quelque chose d'inaugural qui s'appelle le big win, le gros gain. Et je me souviens que quand le jeune m'avait parlé de ce bande dorade royale, il avait parlé d'une excitation comme le big win. Et je m'étais dit que voilà, là, il y avait probablement aussi une analogie entre le jeu d'argent et de hasard, entre le jackpot et la pêche miraculeuse. Et donc là, j'avais pensé aussi que ça pouvait aussi donner du coup un début à quelque chose, c'est-à-dire une sorte d'addiction à l'excitation du gain. Et son contrepoids qui va être la déception, le mal-être, les pêches où on ne gagne pas d'argent, ce qu'on appelle chez le joueur de casino les périodes de chasse, avant la période de désespoir, quoi. veux bien qu'on revienne sur les causes en fait, de la consommation de produits stupéfiants en mer. Voilà, alors donc c'est des causes complexes, c'est pas A entraîne B, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc alors, il y a des causes neurobiologiques, c'est-à-dire des causes, il faut toujours revenir au triangle de Liebenstein, le sujet, l'environnement et le produit. Donc il y a des causes qui tiennent au sujet et à l'environnement, c'est-à-dire que quand vous allez en pêche, eh bien vous allez être excité. Hein, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la noradrénaline, je fais attention à l'environnement, au stress, la noradrénaline est sécrétée, et puis la sérotonine arrive, c'est-à-dire je vais agir en fonction de mon environnement. Hein, le stress, l'action, noradrénaline, sérotonine. Donc vous imaginez la vivacité qu'il faut pour mettre tout ça en place sur le plan cérébral, c'est des sollicitations continuelles. Hein. Donc déjà, ça, on a ce système-là qui est tout le temps en veille. Puis, le système glutamate. Alors, le glutamate, c'est l'accélérateur du cerveau. Vous voyez, à l'apéro, les gens sont tous excités. Puis au fromage, ils dorment. C'est l'effet GABA, quand ils dorment, et excitation glutamate. Eh bien, le marin-pêcheur aussi, il va avoir besoin de son glutamate hein, pour avoir cette vivacité et puis cette ouverture au danger. Donc, vous voyez, tous ces neuromédiateurs sont des neuromédiateurs de l'excitation, plus les endorphines, le plaisir, parce que c'est quand même un plaisir quand on tombe, je reviens sur mon banc de dorade royale, parce que j'adore ça, mais aussi parce que ça rapporte beaucoup. Certains marins m'ont rapporté 10 000 euros hein, avec un banc. Donc voilà, on a cette excitation, ce plaisir, donc vous imaginez à quel point le cerveau est sollicité. Et puis quand on va revenir sur Terre, eh bien, on va être dans le down, c'est-à-dire que le corps, il est régi et le cerveau par les systèmes opposants. Je monte très haut, du coup, mes neurones, à un moment, ils vont descendre. On ne peut pas avoir tout le temps une excitation comme ça. C'est comme ça qu'il marche le cerveau. Donc, avec ce down-là, comment on va le gérer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire le poids? Eh bien, on peut avoir à ce moment-là les utilisations donc de drogues, de produits stupéfiants, en particulier des excitateurs, comme la cocaïne, les nouveaux produits stupéfiants, les amphétamines, hein, pour contrebalancer tout ce qui s'est passé sur le plan cérébral. Et puis, cette manière aussi, vous voyez, de up and down, je pêche bien, je pêche mal, j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent, ça va entraîner comme une sorte de courbe sinusoïdale assez intolérable. Et donc, on va utiliser aussi le produit pour écréter ces up and down neurobiologiques, hein, c'est-à-dire fumer du cannabis pour se poser, prendre de l'héroïne et puis donc compenser tout ce qui s'est passé dans son cerveau au cours de la pêche. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la peur. Alors ça, il n'en parle absolument jamais, mais je pense qu'on ne parle jamais de sa peur. Moi, j'ai déjà eu peur dans mon métier, pas très souvent, mais le marin pêcheur, mais j'en ai pas parlé à ma famille, ou alors de manière très édulcorée, pour pas qu'ils aient peur pour moi. Donc le marin pêcheur fait pareil, mais lui, il n'a pas peur une fois ou deux dans sa vie. Alors, je n'en ai jamais entendu parler ou que de manière elliptique par mon grand-père. Donc, mais c'est une réalité. Et donc, aussi, les produits stupéfiants vont calmer cette peur. C'est sûr et certain qu'il y a cet effet bulle, en particulier dans l'héroïne. Hein, c'est-à-dire que j'ai l'illusion que tout va bien, même si tout va mal. Ça aussi, c'est un élément qui peut être un facteur de risque. Donc on voit bien que sur le plan strictement neurobiologique, on est un métier qui est un métier à risque. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que qui va choisir ce métier de marin-pêcheur? C'est les risk seekers, les chercheurs de risque. Hein, si vous voulez être tout calme, derrière un bureau comme moi, vous n'allez pas être marin-pêcheur. Hein. Donc on a aussi des personnalités spécifiques qui vont choisir ce métier. Et donc, ça va donner un facteur de risque. C'est-à-dire que c'est pas la pêche en elle-même. C'est-à-dire que le sujet qui choisit la pêche, c'est un sujet qui va chercher le risque. Et celui qui cherche le risque, il va essayer. Et donc, il va essayer les nouveaux produits stupéfiants, les catinones, les amphétamines. Voilà, parce qu'il va essayer. Et s'il est plus sensible, eh bien, il va pouvoir plonger. Donc il faut voir vraiment ça aussi sur le plan de l'appareillage neurologique du sujet. Et puis de l'environnement qui va interagir sur le cerveau lui-même. Donc voilà, je pense que ça c'est... Enfin nous, en tout cas en tant que médecin, on va travailler ça avec le patient. Hein, on va travailler sur quelle est la fonction du produit dans sa vie de pêcheur. Sur le bateau, bah c'est vrai qu'un bateau de pêche, c'est une petite communauté. Hein, il y a 5 personnes, 4-5 personnes sur le bateau. Là-dedans, bah, comme dans n'importe quel milieu, il y a forcément des tensions. Comme dans n'importe quel milieu, il peut y avoir des gens, je dirais plus ou moins pervers éventuellement. Hein, et on m'avait raconté hein, effectivement un certain nombre d'histoires de violences qui se passaient à bord, où finalement le marin pêcheur, surtout le jeune, en tant qu'être humain, n'était pas respecté. Et comme dans n'importe quelle entreprise, le respect humain doit être important. Je pense qu'une des préventions que l'on pourrait faire, c'est justement d'accentuer cette notion de prévention et de respect de l'être humain, d'une part à bord et d'une part au retour. L'autre prévention que l'on pourrait faire, c'est bien évidemment essayer de faire en sorte que le métier soit moins difficile et puis que justement ils aient un petit peu plus de vacances, un petit peu plus de repos pour pouvoir justement se resociabiliser lorsqu'ils rentrent. Faire attention à leur famille, faire attention un petit peu à plein de choses. Alors après, la vision, moi, j'ai vu effectivement des affiches où on disait en quelque sorte aux marins, ne vous droguez pas, c'est la mer est un milieu dangereux. Ça mène pas à grand chose parce qu'effectivement, ils le savent. Et comment voulez-vous expliquer à quelqu'un qui passe son temps dans des situations effectivement difficiles en mer que finalement la drogue c'est dangereux? C'est des gens qui ont l'habitude de vivre avec le danger. Donc la drogue c'est dangereux, oui, mais la mer c'est dangereux. Enfin, ils ont une notion du danger qui est peut-être pas celle que nous on peut avoir à terre. La durée du certificat d'aptitude, c'est un certificat qui fait partie des documents réglementaires du marin, au même titre que ses brevets de formation. Sa validité, elle est définie par la Convention, elle ne peut pas être supérieure à 2 ans, si ce n'est avec quelques exceptions, en particulier pour les mineurs, où réglementairement en France, on ne peut pas mettre de certificat au-delà d'un an. Et puis pour certains postes de sécurité très particuliers, et en particulier pour les gens qui occupent des fonctions de conduite de navire et qui font le quart de nuit. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'accidents qui survenaient par défaut de vigilance, et en particulier la nuit, et donc on a préféré suivre de manière un peu plus assidue ces personnels-là. Ça fait partie des documents que le bord doit emporter. Alors, le bord doit emporter beaucoup de documents. Et si le bateau est amené à faire escale à l'étranger, donc il y a des contrôles dits de l'état du port, et ça fait très souvent partie des documents contrôlés par les autorités portuaires. Alors le capitaine ou le commandant ou le patron pêcheur du navire a obligation de contrôler que son marin est bien à jour de visite. Dans les pays anglo-saxons, le dépistage de prise de drogue, il est fait dans un but uniquement de sécurité de la navigation. Donc dans une attitude relativement binaire où il faut que le marin puisse montrer un test qui soit négatif pour pouvoir embarquer. Et ce sont des dépistages qui vont être faits par des officines et des laboratoires biologiques en pignon sur rue dans ces pays et qui sont très habitués à faire ces tests qui finalement offrent peu de garanties pour la personne testée et pour le marin. En France, les tests systématiques ne sont pas autorisés par la réglementation. Et donc on a une position, le ministère du Travail, une position qui est beaucoup plus protectrice de l'individu. Dans la réglementation française, on peut pratiquer ces dépistages, il y a toute une jurisprudence là-dessus, mais ces dépistages, le dépistage doit être proportionnel au but recherché, et notamment à la prévention qu'on veut mettre en place. Le contrôle est un élément médical qu'on va prendre en compte pour déterminer l'aptitude, mais ce n'est pas le seul élément médical. et notamment va beaucoup compter ce qu'on peut percevoir de la consultation, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'anamnèse ou l'interrogatoire du patient, et de l'examen clinique, puisqu'on peut avoir des signes cliniques de consommation chronique d'alcool ou d'autres produits. Et c'est un peu cet ensemble de faisceaux qui permet au médecin de prendre sa décision, le test de dépistage n'étant qu'un élément de plus. Ces tests doivent être encadrés. Notamment, il faut un certain nombre de garanties vis-à-vis de la fiabilité du résultat du test, parce que ce sont des tests qui ont des faux positifs, qui vont virer avec certains médicaments qui ont des molécules très proches drogues qui sont d'autres drogues qui sont consommées à but récréationnel ou dans un autre but. Hein. Et on a aussi des faux négatifs, donc il y a des méthodes pour que le test ne vire pas. Et l'interprétation ne peut se faire qu'avec le faisceau d'arguments qu'apportera l'examen clinique et l'interrogatoire du patient. Il y a quelques années, on pouvait embarquer sans problème, on pouvait filouter les médecins des gens de mer. Moi, quand j'ai commencé, quand j'étais assez jeune, il n'y avait pas ces tests, tout ça. Quoi, donc, il n'y avait pas besoin de filouter, etc. On n'était pas surveillés comme maintenant. Quoi. Est-ce que le fait que vous soyez accompagné, ça vient du monde maritime ou ça vient d'un autre milieu? Ouais, ça a commencé avec un ancien médecin de la marine, oui, qui se rendait compte que j'allais pas très bien, quoi. Donc, il a fait que je commence à aller vers les centres et tout ça, quoi. Qu'est-ce qui a été déclencheur pour vous dans le fait d'arrêter de consommer des produits stupéfiants? Il y a la famille, surtout ma mère, quoi, qui le vécu pas très bien. Ma fille, tout ça, enfin, essayer de m'en sortir pour eux, quoi, pour ma famille. Quoi. Et puis, j'arrive à un âge où je me dis qu'il faut arrêter, quoi, pour la santé, Quelles ont été les étapes et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette démarche? Alors, ça fait un moment, je crois que ça doit faire 10 ans. Hein. Moi, au début, c'était. J'ai pas pris tout de suite au sérieux. Quoi. Ça a mis du temps. Après, vers 2012-2013, où j'ai vraiment fait aller les efforts pour arrêter. Comment est-ce que ça se passe dans le milieu? Est-ce que le milieu maritime vous aide à arrêter aussi? Est-ce qu'il y a des patrons qui vous accompagnent? Les patrons, non, mais en suivant les bateaux où on tombe, ça a pu m'aider à diminuer mes consommations, voire à arrêter même. On est avec des gens bien qui vous proposent pas de consommer et tout ça. Donc oui, si on tombe sur un bon bateau avec un bon équipage, ouais, ça peut aider aussi. On entend souvent le mot solidarité des gens de mer. Est-ce que cette solidarité des gens de mer, elle existe aussi dans ce type de démarche? Moi, je n'en parle pas trop, donc je pourrais pas y dire. Quoi, mais, j'évite d'en parler aussi quand je vais sur un bateau. Quoi, donc, moi, je pourrais pas dire si un patron aiderait ou pas. Hein. Mais bon, ça, je pense que certains, oui, le feraient. Quoi, et, après, il y a d'autres qui sont complètement contre ça. Donc, juste le fait qu'ils savent qu'on consomme, c'est un problème. Quoi. Même si c'est pas sur le bateau et tout ça. C'est-à-dire vous osez pas en parler à tout le monde, enfin naturellement quoi. Non, ça. ça a du mal à se dire. Pratiquement tout le monde le sait sur l'alcool, c'est un peu compliqué. Ouais. Est-ce que avec les produits de substitution, vous arrivez à pouvoir avoir une activité normale en pêche? Ouais. Bon, au début, quand j'ai commencé avec un fort dosage, la méthadone, c'était. On a tendance à faire la somnolence et tout, mais bon, j'essayais de faire attention aux heures où j'apprenais et tout. Mais bon, ça n'a pas été trop posé de soucis, on va dire. Qu'est-ce qui vous aide le plus dans votre chemin? Bah, pour moi, je pense que c'est d'être entouré avec ma famille qui me soutient pas mal. Ouais. Et puis moi, je me suis écarté aussi de tous les gens qui consomment. Quoi. Est-ce que d'un point de vue médical, vous vous sentez bien accompagné? Médicalement, ouais. Donc, avec la psychologue, faut que ça part, le médecin aussi, ça part. C'est cool, ouais. On a le droit d'embarquer avec des produits de substitution? Ah bah oui. Alors pour nous, c'est pas des produits, c'est des médicaments. Déjà, c'est très important. Pour nous, c'est des médicaments de substitution. Bien sûr, puisque les gens, là, ils n'ont plus du tout de consommation, le médicament leur permet d'aller bien, il n'y a pas du tout d'effet psychoactif, le patient est juste équilibré sur le plan neurobiologique, et donc il n'y a aucun problème. Et nous, on a même vu des situations très intéressantes où le patron pêcheur donnait ses médicaments aux marins. Parce que c'était un marin qui avait des problèmes d'addiction et qui avait du mal aussi à gérer son traitement. C'est arrivé une fois, on avait un peu questionné le marin et il m'avait dit oui, c'est un peu comme si c'était mon infirmière. Mais c'est aussi le rôle du patron pêcheur hein, dans certains armements où il est parfois le père, la mère, où il a une fonction en tout cas paternelle. D'ailleurs, qui est très positive hein, sur la solidarité, sur la prendre soin. Parfois, c'est même le patron pêcheur qui va amener aux soins le pêcheur. Enfin, c'est un médicament tout à fait autorisé, comme tous les autres médicaments. Quand les gens sont devenus addicts à l'héroïne, c'est-à-dire une consommation d'un an d'héroïne, un gramme par jour, chaque jour, et qu'il va falloir le substituer parce que chaque fois qu'il va en mer, il est en sevrage et que c'est plus vivable, il peut plus travailler, on va mettre un traitement de substitution. Donc là, le patient va aller sur le bateau avec son traitement, et là, ça va permettre au patient de travailler normalement, de reprendre une vie normale. Mais évidemment que quand je vous racontais l'histoire du marin pêcheur qui m'avait dit qu'il buvait une bouteille de Ricard le week-end et que son patron le laissait, ça c'était au XXe siècle, hein, le laissait jusqu'à lieu de pêche dormir, c'est sûr que pendant que les autres préparaient les casiers, etc., c'était un peu mal vu quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des pêcheurs qui sont hyper efficaces tout le temps. Les marins peuvent ou ne peuvent pas embarquer sous produit de substitution. La décision revient vraiment au médecin qui prendra la décision. C'est une décision qui est de pleine responsabilité du médecin. Et un certain nombre d'autres critères vont être pris en compte au-delà du traitement. On peut avoir... Alors, il y a des gens qui sont installés dans le traitement de substitution. Hein. On sait que le traitement de substitution, on peut le diminuer dans le temps, dans le dosage, mais que les derniers 5 mg sont... Enfin, le dernier dosage est très difficile à arrêter. C'est des gens qui ont quand même besoin de naviguer et de travailler. Donc quand les gens sont très bien stabilisés, n'ont pas d'autres consommations, se font suivre, prennent bien en compte leur état de santé, leur maladie, leur addiction, Le médecin peut tout à fait les laisser naviguer, et notamment pour rebâtir un cadre social, familial, qui va être nécessaire, là aussi au traitement, ça fait partie du traitement. Là, on sera beaucoup plus vigilant et on délivrera l'aptitude avec beaucoup plus de difficultés. C'est pour les gens qui occupent des postes de sécurité. Et notamment, si les gens sont en passerelle, le traitement de substitution entraînera souvent une inaptitude au poste de conduite du navire. Les éléments que l'on a, c'est que ça reste un milieu très accidentogène, avec un taux d'accident du travail maritime qui est très proche du taux des bâtiments et des travaux publics ou des autres secteurs des transports, qui sont des secteurs qui sont déjà considérés comme étant très accidentogènes à terre. Ce qui est très spécifique du milieu maritime, et notamment de la pêche, c'est qu'on a un nombre d'accidents mortels très important, qui est 5 à 10 fois supérieur au taux des accidents mortels du travail à terre. Ces accidents graves ou mortels donnent lieu à des enquêtes par un bureau qui s'appelle le bureau enquête accident, qui dépend du ministère. Et dans un certain nombre de cas, ce qui provoque l'accident, donc les causes sont plurifactorielles, mais on retrouve très souvent une baisse de la vigilance, et en particulier pour les gens qui sont au poste de conduite. Alors, l'état de santé de ces gens, bien sûr, est soumis au secret médical. Ce qu'on a dans nos dossiers, on ne le révèle pas. Mais on est médecin, quand on va regarder un peu dans les dossiers, on peut penser qu'un certain nombre de ces baisses de vigilance sont en rapport avec la consommation de substances psychoactives. Donc, ces consommations participent très certainement au fait qu'il y ait un grand nombre d'accidents du travail, et que ces accidents du travail peuvent être très graves, voire mortels. Ce qui définit l'addiction, c'est le craving, l'obsession d'y penser. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne consomme pas tout le temps, mais qui y pense tout le temps, sera addict. Hein, le DSM-5, la classification de l'addiction, c'est vraiment maintenant défini par le craving, l'obsession d'y penser. C'est-à-dire que le marin, il va peut-être penser que comme il va sur mer, il n'est pas addict, puisqu'il va interrompre sa consommation sur mer. Mais comme il va pas arrêter d'y penser, en fait, l'addictologue, il va se dire autre chose. Il va dire, mais ce patient, il est addict. Donc, on va détricoter ça avec lui, parce que le marin peut avoir l'illusion qu'il est protégé par la mer. C'est-à-dire, il est là-bas, il ne consomme pas. C'était pareil avec l'alcool. Et donc, ça demande un travail avec lui pour mettre des mots sur où il en est, est-ce que c'est pathologique, et puis donc du coup, en fonction du produit, il va être piégé différemment. Puisque la cocaïne a beaucoup moins de dépendance physique que l'héroïne. Il va avoir l'illusion avec la cocaïne qu'il n'est pas du tout addict. Et donc ça, c'est un travail qu'on va faire, et le problème de la cocaïne, c'est que il va être en descente assez vite. Il va utiliser le produit, il va prendre le speedball, c'est-à-dire il va prendre de l'héroïne pour la descente de la cocaïne. La semaine dernière, j'avais un jeune qui me disait, mais je comprends pas. Moi, je consommais pas d'héro avant. Non, c'est l'héroïne a été utilisée pour la descente. Et c'est ça qui l'a piégé. Il comprenait pas. Il dit, mais tout va bien dans ma vie, etc. Oui, sauf qu'il a touché un produit qui est le plus addictif des produits. Quand j'ai pêché, la première fois que j'ai pêché, non pas la première fois, mais peu de temps après, je voulais rembarquer toujours, et ce gars me dit, un gars qui me dit, tu sais, t'es accroché à la pêche, et dit, tu vois, maintenant, partout dans le monde, si t'es pas sur un bateau, et si tu pêches pas, bah, tu vas t'emmerder. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il promet? Je dis, c'est pas grave, parce que je rentrerai jamais en France. J'étais en Alaska et j'ai eu cette phrase de Blake que j'avais trouvée très très belle. Les chemins de l'extrême conduisent au palais de la sagesse. Quelque chose comme ça, au royaume de la sagesse. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Il faut qu'on aille de plus en plus dans les extrêmes et nous deviendrons sages. Et puis parfois je me disais, ou alors on mourra. Enfin, on verra bien. Avec par ordre d'apparition, le docteur Latimier, addictologue à Lorient, Catherine Poulain, écrivain, le docteur Lefloc, médecin généraliste, Anthony, marin-pêcheur, le docteur Sauvage, chef du service des médecins des gens de mer. Merci à Marion Armengod, Stéphane Lavoué, Greg Penaren, au docteur Boeuf, Pierre-Yves Lefloc et Emmanuel Depoix. Des drogues dans le milieu maritime, mixage Jean-Michel Coqui, réalisation Guillaume Baldi, un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire France Culture. Patronne de pêche, mousse, navigatrice ou sauveteuse, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Et si vous voulez décrocher, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la traversée ou nous réécouter avant l'escale, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD série doc, et même sur Instagram, LSD, la série documentaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires.